Nous apprîmes à David la fabrication des cottes de mailles afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles, la guerre. En êtes-vous donc reconnaissants ?